Je suis Clémence Reveste, je suis chargée de recherche au CNRS, au Centre Roman Mounier, à Sorbonne Université, et donc je suis spécialiste de l'histoire de l'humanisme italien au XVe siècle. Et à la demande d'Emmanuel, je suis venue partager un récit d'expérience, donc je pense que ce sera beaucoup plus léger et ponctuel que ce qui a été présenté, hein. En tout cas, c'était voilà, donc... C'est plus sous le retour, un vécu exactement, puisque quand Emmanuel m'a touché un mot de l'organisation de cette journée, un souvenir m'est tout de suite remonté dont je t'ai parlé, qui fait partie de ces trop rares souvenirs d'émotions silencieuses qu'on peut ressentir au cours d'une thèse, dans la solitude d'une salle de bibliothèque vide, dans une petite... une ville de taille moyenne italienne au cœur de l'été. Et donc, c'est l'histoire personnelle, hein, de cette découverte des archives d'Antonio Loschi dans la Biblioteca Civica Bertoliana de Vicence. Alors, pour vous situer un petit peu quand même le contexte de cette découverte, donc j'étais en pleine thèse et je cherchais des sources tous azimuts. Alors le thème de cette thèse était la naissance du mouvement humaniste au début du XVe siècle à la cour pontificale, au moment où l'administration pontificale se réinstalle à Rome. Et la manière dont la réinstallation de la cour pontificale à Rome avait été un accélérateur déterminant pour l'émergence du mouvement humaniste en Italie et en Europe. Et dans le contexte de ces recherches, je m'intéressais en particulier aux trajectoires d'un petit groupe de lettrés qui ont été vraiment parmi les inventeurs de la culture des humanités, et à la façon dont leur entrée au service du pouvoir pontifical avait été pour eux non seulement un tremplin intellectuel et un moment de mise en relation, de constitution d'un réseau avec des lettrés venant d'autres parties d'Italie et d'Europe, mais aussi un tremplin social qui leur avait permis de mener par la suite des carrières extrêmement brillantes. Et le fond de ce questionnement était aussi de comprendre comment, en quelques années, ce mouvement qui était complètement alternatif était devenu vraiment la culture dominante à la mode au milieu du XVe siècle, avec une très forte capacité d'attraction sociale. Donc il y avait ce questionnement en fond. Et donc je cherchais à me renseigner sur exactement ce que ces lettrés avaient fait quand ils étaient à la curie, et en me demandant notamment si au fond ils étaient devenus riches, ce qu'ils faisaient exactement comme travail tous les jours, etc. Et donc parmi eux, il y avait un Vicentin qui s'appelle Antonio Loschi, qui fait partie, on va dire, des cinq grands inventeurs de l'humanisme au début du XVe siècle, qui est surtout connu pour avoir écrit le premier grand commentaire des discours de Cicéron en 1398, et qui a été chancelier de Jean Galeas Visconti à Milan, puis secrétaire apostolique pendant 35 ans. Et au cours de sa carrière, il rencontre notamment le Poge, qui a le même âge que lui et qui arrive de Florence. Et bon, pour la petite histoire, le premier grand traité de description des ruines de Rome, qui a été écrit par le Poge, commence par le récit de leur chevauchée commune devant le Colisée. Donc Antonio Loschi et lui, où il s'assoit sur des colonnes brisées et il contemple le Capitole en ruine. Donc ce personnage important, finalement sa carrière comme secrétaire avait été toujours abordée, disons à titre de paysage biographique. Et au cours de mes recherches, j'étais tombée donc sur un ouvrage d'érudition locale du milieu du XIXe siècle, écrit par un très lointain parent d'Antonio Loschi, qui s'appelait Giovanni da Schio, et qui a écrit ce qui reste sa biographie de référence, hormis la notice dans le Dictionario Biografico degli Italiani. Et à la fin de cet ouvrage, qui était introuvable à l'époque, mais qui maintenant se trouve sur Google Books, se trouve édité un certain nombre d'annexes documentaires, dont plusieurs portaient cette énigmatique inscription tirée de l'Archivio Loschi. Dans une des notes de bas de page de l'ouvrage, Giovanni da Schio explique qu'il a trouvé ces documents chez le comte Luigi Loschi. Donc il allait consulter sur place, dans la famille. mais c'était un de ses cousins. Et au cours de mes recherches bibliographiques, je suis tombée aussi sur un article écrit dans les années 80 par un chercheur allemand qui était plutôt, lui, spécialiste de l'histoire du grand schisme et qui, incidemment, au cours de ses très longues notes de bas de page, mentionnait quelques documents de l'archiviologue, mais cette fois en indiquant qu'il les avait trouvés dans la bibliothèque Civica Bertoliana. Ah, donc c'était le point de départ. Et donc je fais des recherches bibliographiques et je ne trouve absolument rien sur cet archivio qui se trouverait dans cette bibliothèque communale. Donc là, Google, et donc c'est le site aujourd'hui, mais à l'époque il était à peu près pareil, et il y a une page sur le site hein, qui est consacrée aux archives de nobles familles vicentines. Alors comme vous pouvez le voir, la description tient en un paragraphe qui explique grosso modo qu'il s'agit d'un lot de 35 archives, de fonds d'archives familiales de la noblesse de Vicence, dont les documents vont du XIIIe siècle au XXe siècle et qui ont été donnés à la bibliothèque entre la fin du XIXe siècle et surtout la Seconde Guerre mondiale. S'ensuit donc une liste de chacune des familles conservées. Et donc là, je vous montre Loski, ce sur quoi je suis tombée. Loski, 1146-1848, rien. Cadastre, pas d'inventaire informatisé. Donc, merveilleux. En tout cas, j'ai été assez impressionnée déjà par l'amplitude chronologique. Et il se trouvait que je devais aller faire des recherches à la... Bon, cadastre m'annonçait, je me disais cadastre du XIIe siècle, ça serait quand même une grosse découverte. Donc, il se trouvait que je devais aller à la Marciana à Venise, et je me dis donc le dernier jour de mes recherches, je le conserve pour aller faire un tour à Vicence, sait-on jamais. Donc, j'arrive à Vicence, ça devait être autour du 20 juillet, il n'y avait absolument personne, donc je suis accueillie par une bibliothécaire adorable. Qui donc m'amène dans une petite pièce aveugle, donc la pièce de ce qu'ils appellent le secteur antique de la bibliothèque. Et tout en m'amenant, elle me dit « Écoutez, je pense que vous n'y trouverez rien, donc, verbatim, mais il se trouve que nous venons de réaliser un premier inventaire à usage interne. Si vous voulez, je vous en fais une copie. » Donc, la préparation de cette intervention m'a permis de sortir mon propre dossier archiviologique dans mes cartons de thèse et j'y ai retrouvé, précieusement conservé, donc cet unique exemplaire de l'inventaire, du premier inventaire LOSCI, où effectivement ça m'a été immédiatement très utile puisque j'avais donc au moins quelques lignes d'explication sur ce qu'était cet archivio. Et ensuite, une présentation extrêmement sommaire, mais qui avait déjà le mérite d'exister, de chacune de ces unités. Et donc, j'y ai vu écrit qu'effectivement, en fait, la famille avait conservé ses archives jusqu'à la mort du dernier représentant, qui était le comte Luigi Loschi, en 1848, qu'ensuite, les archives étaient passées à son neveu, Camillo Zilleri dal Verme, et qui, sur la demande du bibliothécaire, l'avait légué, ses propres héritiers avaient légué ce fonds à la bibliothèque communale en 1941, donc dans un contexte un peu particulier où on cherchait à mettre à l'abri ses biens, comme un certain nombre d'autres familles vicentines. Donc visiblement, la bibliothèque allait toquer aux portes pour dire « bon, c'est le moment de venir les mettre à l'abri ». Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que dans la description que j'avais eue, donc je vous traduis, il a été explicitement établi par les donateurs que l'archivio devait être déposé à la Bertoliana pour éviter au matériel le risque d'entrer dans la section de l'archivio di Stato, la section historique, qui était alors en train d'être constituée. Donc vraiment, il ne fallait pas être noyé dans l'archivio di Stato, il fallait que ça reste le fond de la famille Loschi. Et donc, à partir de là, je m'aperçois donc qu'il y a beaucoup de documents répartis en trois séries. Donc, une série de registres reliés allant donc du XIIe siècle au XIXe siècle, une série de cadastres du XIXe siècle et une série de cahiers comptables. Et pour chaque série, j'ai donc disposé d'un numéro d'unité archivistique avec une description à une ligne, en général papier ou parchemin, et le nombre de documents. Et surtout, ce qui était le plus important pour moi, d'une fourchette chronologique. Parce que ça m'a permis, en fait, immédiatement de cibler les unités qui correspondaient au moment où Antonio Loschi avait été secrétaire apostolique. Et donc, j'ai repéré deux registres qui correspondaient, le 1 et le 14, qui correspondaient à ma période chronologique. Donc, je les commande. Devant la taille des registres, j'ai un moment de désespoir profond. Donc, je sors mon appareil photographique et je vais demander à la charmante bibliothécaire si je peux faire des photos. Et là, elle m'explique que non, qu'ils sont en contrat avec un photographe et qu'il m'en coûtera 3 euros la photo. Donc, le moment de désespoir s'est ajouté à la panique. Et donc là, donc je pense que j'ai fait l'inventaire le plus rapide de ma vie, parce que je n'avais qu'une journée devant moi. Et ensuite, j'ai dû payer 3 euros pour chaque document, parce que j'avais besoin de retravailler dessus. Et donc, après ce petit moment de panique passé, je me suis aperçue que donc, les deux registres correspondaient en fait à deux typologies documentaires assez claires. Donc, un, le numéro 14, contenait en fait des actes diplomatiques solennels reliés. Et en particulier, donc je vous en montre un exemple, 15 lettres apostoliques originales, donc les bulles, adressées à Antonio Loschi entre 1395 et 1435. Donc, et en JPEG, par mail. Non, je ne suis pas allée jusqu'à demander une reproduction. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais sur le coup, bon. Et donc là, je vous donne, pour exemple, la bulle originale de nomination d'Antonio Loschi au poste de scripteur apostolique en 1409. Et on a aussi toute une série de bulles de Gênes 4 qui sont signées notamment par le Poge, etc. Le second registre, en fait, contient des actes notariés établis à Vicence, qui remontent, dont une vingtaine que j'ai pu inventorier, qui remontent aux années 1406-1417, donc moi la période qui m'intéressait, et qui sont des instruments établis devant notaire entre des particuliers et relatifs à la possession et à la location de biens ou de rente à Vicence et dans le territoire vicentin. Donc de manière strictement contemporaine avec les pièces diplomatiques solennelles du premier registre. Donc d'un point de vue archivistique, deux éléments m'ont quand même frappé assez vite. C'est que d'une part, ces registres comportaient tous des annotations de différentes époques et notamment des annotations qui semblaient contemporaines ou disons modernes tardives. Alors ici vous en avez un cas, donc c'est la lettre une lettre apostolique, une bulle de Jean 23 qui concède un fief à Antonio Loschi et en fait il manque un morceau dans la bulle et une annotation en latin est inscrite sous la bulle qui a elle-même été recopiée en italien sous cette même annotation. Et en fait, l'annotation explique, en latin et dans sa version plus tardive, que le document a été déchiré pendant la guerre entre Français et Allemands en 1510. Donc il y a deux strates de retravail de ce document. Et surtout, certains de ces documents étaient accompagnés de transcriptions modernes, dont une qui comporte un élément très intéressant, puisqu'il nous est dit que ce document a été transcrit d'après l'archivio du comte Luigi Loschi, sachant que Luigi Loschi est mort en 1848, et grosso modo, dans d'après mes recherches, on est plutôt dans le deuxième quart du 19e siècle. Peut-être que c'est Giovanni d'Asquillo, ça je ne le sais pas. Et surtout, ce document présente une cote, tome 1, numéro 45, ce qui est effectivement la cote actuelle du document. Donc, ce qui laisse à penser que le fonds correspond exactement, enfin, en tout cas au début du 19e siècle, le fonds était déjà organisé et numéroté de cette manière. Et Luigi Losky, au moins au début du 19e siècle, a fait une entreprise d'organisation archivistique, probablement dans ce cas, pour prouver ses droits sur ces domaines, parce que bon, le milieu du 19e siècle, c'est une période un petit peu complexe, disons agitée, pour prouver ses droits sur certains domaines fonciers du territoire de Vicence. Je vous ai mis un portrait gravé de ce dernier représentant en ligne directe d'Antonio Losky, puisqu'il s'agit de l'acquisition de pièces de terrain, de fermes, de moulins, d'oliviers, etc. Et donc, 500 ans plus tard, non, 400 ans plus tard, ce document était retranscrit. Et d'autre part, je me suis très vite aperçue que ce fonds faisait immédiatement écho à ce que j'avais déjà trouvé en faisant des dépouillements dans les archives apostoliques, puisque donc certains documents sont les originaux des actes enregistrés, conservés aux archives du Vatican. Donc là, vous avez un sauf-conduit dont on a un exemplaire à l'archiviolosky, enfin pas un exemplaire, on a la bulle à l'archiviolosky, et on a ici l'élément enregistré. Donc en termes d'analyse diplomatique, c'est des exemples intéressants parce que finalement on n'a pas si souvent que ça pour le début du 15e siècle, les deux parties. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est que ça me permettait de combler beaucoup de trous que je n'avais pas, et notamment qui concernaient les stratégies sociales locales, socio-économiques locales de cet humaniste. Alors, j'irai très vite, hein, puisque ce n'est pas l'objet de cette journée, mais il y a quand même deux phénomènes qui sont immédiatement ressortis, donc je vous les résumerai très vite. C'est qu'en espace de très peu de temps, entre 1412 et 1415, ce qui correspond en fait à une période de grande crise de la papauté, où les secrétaires apostoliques en fait abusent de la situation dans laquelle ils sont une pièce centrale. Donc, en l'espace de 3 années, Antonio Losky réussit à mettre en place un système dont il est le rouage central. D'un côté, il obtient du pape des concessions apostoliques sur des biens et des revenus situés à Vicence, notamment des dérogations sur des legs testamentaires. Donc, un grand Vicentin vient à mourir, fait un testament, et il obtient qu'une des maisons lui soit accordée plutôt que, etc. Il obtient aussi des préemptions sur des ventes à Vicence et dans le territoire vicentin, et il obtient aussi des provisions en florins, notamment une provision de 500 florins, ce qui est une somme énorme, donc en l'espace de quelques années, sachant qu'il a aussi obtenu le statut de clerc marié, hein, ce qui est aussi une concession assez généreuse. Et de l'autre, il se porte acquéreur dans sa ville natale de multiples maisons et domaines fonciers. Et ce, grâce à l'intermédiaire de son frère, de son beau-frère et de ses cousins, qui s'occupent de faire les intermédiaires sur place. Et concrètement, il a polarisé son patrimoine à l'intérieur de 2 périmètres. D'abord, en l'espace de ces 3 années, il achète plusieurs maisons mitoyennes dans Vicence, qui sont toutes situées sur la rue principale, qui est aujourd'hui le Corso Palladio, qui est l'ancien Decumanum romain, en fait. Et de l'autre, il s'assure la mainmise sur un territoire, un vaste territoire du Contado, avec la perception de rente. Oui, bah c'est parfait. Puisqu'il obtient le droit de dîme et l'achat de fermes, de terrains, etc., qu'il met rapidement en bail. Donc la logique, vous la comprenez assez vite, c'est d'une part se constituer une vaste demeure familiale nobiliaire au centre de la cité, et de l'autre, de se constituer un fief et une villa. Et de fait, à la tour médiévale des Losky, qui existe toujours, qui date du XIIIe siècle, s'est ajouté dans les siècles suivants, à partir de ces emprises territoriales, le palazzo Losky d'Ileri d'Alverme, qui se trouve Corso Palladio à Vicence, et plus tard encore la villa Losky d'Ileri d'Alverme, qui se trouve dans un autre endroit acquis au milieu du 15e siècle, dans les environs de Vicence. Et donc là, j'ai pu vraiment documenter de manière très précise la manière dont son installation à la Curie, certes, lui avait permis de contempler les ruines de Rome et de penser au discours de Cicéron, mais avait surtout été pour lui un marchepied social énorme, puisque sa famille, qui faisait partie de la noblesse vicentine de longue date, était vraiment entré dans la crème de la noblesse vicentine, et il est le premier grand personnage de sa famille jusqu'au XIXe siècle. En conclusion, ce que j'en retiendrai, bon, d'abord, je dois dire que personnellement, le choc que j'ai ressenti, c'était quand même l'extraordinaire d'être face à quand même l'extraordinaire stabilité d'une élite de la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Là, j'étais, quand ils m'ont posé les cartons sur la table, j'ai été quand même saisie de me dire qu'au début du XXe siècle, les descendants des Los qui avaient toujours les bulles papales de leur aïeux chez eux. Et surtout de me dire qu'il y avait là des gisements documentaires absolument négligés, non signalés, non digitalisés, non inventoriés, et qui, au-delà du côté, disons, un peu chic d'avoir trouvé des bulles pontificales, avaient vraiment un intérêt socio-économique énorme sur lesquels enquêter. Et d'autre part, le fait de pouvoir approcher ces archives, si je puis dire, dans leur jus originel. Et là, l'enquête serait encore à mener. C'était évidemment pas mon questionnement, mais effectivement, à partir de l'étude de l'ensemble, d'ailleurs, je pense, de ces fonds d'archives familiales à la bibliothèque à Bertoliane, on peut en fait questionner l'organisation et la conservation par ces familles de la noblesse du XIXe siècle de leurs archives médiévales et modernes, et des usages qui en ont été faits. Voilà. Ah non, j'ai juste oublié quelque chose, pardon. Et ces archives ont été nourries d'une trouvaille de bibliothèque en archives, cette fois, puisqu'en fait, un livre d'Antonio Loschi a été mal catalogué. En fait, vous savez qu'il y a les archives pontificales ont été pour partie, enfin, des manuscrits de la bibliothèque apostolique et des archives vaticanes ont été apportés à Paris au XIXe siècle et ensuite rapatriés, mais pas tout. Et dedans, il y a un Liber Brevium d'Antonio Loschi qui est la cote LL4A des archives nationales, mais qui en fait ne sont pas des archives. C'était son manuel personnel de chancellerie comme secrétaire. Et donc, je ne pouvais pas vous montrer, parce que c'est vraiment très laid, c'est des photocopies de microfilms. Donc, parce que j'ai dû travailler sur le microfilm et en faire des photocopies. J'ai essayé de faire des photographies de microfilms, mais ça ne marche pas du tout. Et j'ai essayé d'en faire un premier index, puisqu'il s'agit ici encore d'un document inédit et non inventorié. Voilà, merci beaucoup. Merci.